し消えれて Ni de quel pays elle venait Elle dansait la nuit Et au matin sans bruit S'en allait Comme un regret Jamais de son cœur ou de sa vie Elle riait de tout En disant après tout Que demain est encore loin Elle rêvait souvent devant un enfant et pour une fleur verser des pleurs.